إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأحبة Mes frères, on se retrouve de nouveau, Inch'Allah, dans le premier cours du tome 2. فَبَعْدَ مَنْ تَهَيْنَا مِنَ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ بِتَوْفِيقٍ مِنَ اللَّهِ هَا نَحْنُ نَبْدَأُ الْكِتَابَ الثَّانِي. Après qu'on a fini le tome 1 par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, on commence de nouveau avec le tome 2. Donc, ce livre qui est le tome 2, sachez bien, mes frères, qu'il a un niveau supérieur que le tome 1. Donc, c'est pour cela. Je vous conseille de bien maintenir et de bien être concentré dans le cours et prendre des notes. Prendre des notes, surtout au niveau de grammaire et au niveau de l'i'rab, les analyses grammaticales. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut imprimer le résumé du tome 2 que, alhamdoulilah, on les a envoyés dans les groupes et dans la chaîne aussi de Telegram, cours d'arabe. Donc, essayez de l'imprimer et de le mettre à côté de vous dans le cours. Et ajoutez des notes que vous le trouveriez bénéfiques pour vous. فالكتاب الثاني هو العمدة c'est la base. إذن من الآن إن شاء الله من الكتاب من الدرس الأول عفوا من الدرس الأول لابد أن الطالب il faut qu'il يعني il se prépare il révise chaque cours qu'il le prend et le révise et alhamdulillah on a fait à vos dispositions tous les moyens pour apprendre, pour réviser, pour poser vos questions, et ainsi de suite. Le cours sera sur la chaîne YouTube, il sera sur la chaîne Cours d'Arabe en MP3, en vidéo. Et then, profitez de le revoir avant l'arrivée ou bien avant qu'on fait le cours numéro 2, essayez de le revoir, le réviser, revoir les exercices, les règles de grammaire et ainsi de suite. طيب. إذا نبدأ ذلك بقراءة النص. On commence par la lecture du texte. وعند قراءة النص بارك الله فيكم هنا كذلك أنبه على شيء مهم. ونبه على شيء مهم. Je tire vos attentions sur quelque chose d'important dans la lecture du texte. عندما أقرأ النص فكل واحد يتابع. Chacun suit la lecture et il prend un stylo dans sa main. Le stylo il est dans sa main. فكلما مر على كلمة لم يفهمها يكتبها sur le coup. يعني chaque fois on passe sur un mot qu'il ne comprend pas ou bien il ne sait pas sa signification, il le mentionne pour qu'à la fin de la lecture, il pose sa question. C'est pas qu'à la fin de la lecture, il essaie de recommencer la lecture pour voir ce qu'il a compris, s'il n'a pas compris. Non, c'est maintenant. Yani, le temps où je lis, essayez de voir les mots que vous ne comprenez pas, vous le soulignez ou bien vous le mentionnez dans votre cahier et posez votre question à la fin de la lecture. Hisham, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-mudarris, wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hashim, كيف حالك يا أستاذ؟ لعلك بخير. المدرس الحمد لله وكيف حالك أنت يا هاشم؟ أنا أحبك كثيرا يا هاشم، إنك طالب ذكي ومجتهد وذو خلق. أم من باكستان أنت أم من الهند يا هاشم؟ هاشم إني من الهند. المدرس وزميلك الذي خرج معك الآن من الفصل أهو أيضا من الهند؟ هاشم لا إنه من باكستان. المدرس إن ساعتك جميلة يا هاشم، أمن اليابان هي؟ هاشم لا إنها من الهند. المدرس أغالية هي أم رخيصة؟ هاشم إنها رخيصة جدا، إنها 100 روبية فقط. المدرس كم أخا لك يا هاشم؟ هاشم لي 3 إخوة. المدرس أطلاب هم؟ هاشم لا إنهم تجار. المدرس وكم أختا لك؟ هاشم لي 4 أخوات. المدرس أفي الهند هن الآن؟ هاشم لا إنهن هنا بالمدينة المنورة مع أبي وأمي. المدرس أطالبات هن؟ هاشم لا إنهن مدرسات بالمدرسة الثانوية. انتهى النص. طيب، السلام ورحمة الله. عفوا أستاذ، on vous entend très très très mal. طيب، عليكم ب يعني أن هذه شبكة، هذا دروس في الشبكة، علينا أن نصبر، والذي لم يسمع جيد لأن المشكل في الشبكة. Le problème il est dans le net. C'est des cours à distance, donc essayez de patienter et essayez, comme j'ai dit tout à l'heure, de revoir le cours yani, dans l'enregistrement, Inch'Allah. وفيكم بارك. ما في مشكل. طيب. نقرأ النص مرة أخرى. On va essayer de lire le texte une autre fois. طيب كريم أنت تعمل المدرس ومحمد لامين هاشم، محمد لامين هاشم وكريم المدرس. أغالية هي أم خاص أنا جيد. من عنده أسئلة حول النص؟ celui qui a des questions sur le texte il peut les poser maintenant. نعم تفضل. ذو يعني هي من الأسماء الخمسة بمعنى صاحب. نعم الصوت انقطع عندك. Essaye de redire la ta question. On ne peut pas donner le sens de إنها. Il faut avoir ce mot dans une phrase ou bien dans une expression. Parce que إنها elle a aucun sens. Inna, c'est un particule, et ha, c'est un pronom. On ne peut pas donner une signification à un particule et un pronom, sauf qu'il sera dans une phrase ou bien dans une expression. Tayyib, la veut dire non. Inna ha min Pakistan, Certes, elle est du Pakistan. Et Anna Inna, comme on va voir, comme on va voir dans le cours, Inna tufid tawkid. Tufid tawkid. Elle donne le sens de la certitude. Naam, mais on a utilisé Inna pour certifier que sur un certain. Wafi barak. Naam, Abu Khadija, mada? Am? Naam. J'ai dit que un mot, surtout un particule, un, c'est un particule. Il faut le mettre dans une phrase ou bien amener la phrase où il se trouve ce mot pour donner le sens. Aghaliyatun hiya am rakhisatun, c'est ça. Hein? Tu veux dire celle-là dans cette phrase? Aghaliyatun hiya am rakhisatun. D'accord. Donc, am ici veut dire, veut dire ou bien. C'est un particule de coordination qui sert à choisir entre deux choses. Est-ce qu'elle est chère, cette montre, ou bien moins chère? D'accord? Madame? C'est comme au, c'est la même chose que au, sauf que au, on l'utilise dans la phrase affirmative, fil jumlatil muthbata, wa am, on l'utilise fil jumlatil istifhamiya, am, on l'utilise dans la phrase interrogative. Hein? Fahimt? Fahimt? Fahimt? Fahimt? Fahimt? عن الأسئلة الآتية. Répond aux questions suivantes. أبو هارون عبد الحليم من أين هاشم؟ هو من الهند. أبو بشير أيحبه المدرس؟ لا ليس أنا. نعم. يحبه كثيرا. نعم يحبه المدرس. تسم. سيلم تدين نعم يحبه. ستو. Pas uhibbuhu. La question, regarde. La question est posée à toi, mais sur l'enseignant. C'est-à-dire le verbe yuhibbu, c'est sur l'enseignant. Est-ce que l'enseignant, il l'aime? En français, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas dire, oui, je l'aime. Est-ce que tu peux dire ça en français? En français, tu lui dis, tu vas dire, tu vas répondre, oui, il l'aime. Donc, en arabe, on a dit « Na'am, yuhibbuhu ». Laïsa yuhibbuhu, on ne met pas le verbe au pronom personnel « ana ». Toi, tu es en train de mettre le verbe au pronom personnel « ana ». Alors que, regarde dans la question, il faut prendre les termes de la question. La question, c'est « a ». A, c'est un particule interrogatif. Le A ne fait pas partie du verbe. Le verbe c'est yuhibbu. Et le hu aussi c'est un pronom qui représente l'élève. Donc dans la réponse, on va supprimer A parce qu'on l'a plus besoin. C'est un particule que on l'utilise dans la question. Et on va prendre le reste. Yuhibbu hu. Mais on remplace A par le particule de réponse. C'est quoi les particules de réponse? Les particules de réponse, c'est na'am ou bien la. Soit on va dire na'am yuhibbuhu al-mudarrisu, ou bien on va dire la yuhibbuhu al-mudarrisu. Fahimt? Non. Soual al-thalith. من أين ساعته أبو محمد؟ من أين ساعته؟ هي من اليابان. أعد. هي من اليابان. جيد. ريفي بكم هي؟ أحمد بكم هي؟ Je recherche dans le texte. انظر Yani, filnas, regardons le texte, là où tu trouves le mot sa'atun, ou bien sa'ataka, ou bien sa'a, yani, tu suis et tu essaies de trouver la réponse. Continue, tu étais à ghaliyatun, hiya amrakhisatun. Continue la recherche. Continue la recherche. Pourquoi tu étais. Innaha, pas innama, ça c'est innaha. إنها بمئة روبية فقط. إذن on revient à la question بكم هي بمئة إنها بمئة روبية إنها بمئة روبية بمئة روبية. طيب أبو عبد الله كم أخله أبو عبد الله رحماني جيد له ثلاثة إخوة ابن الزبير كم أخت له جيد إبراهيم أين أخواته جيد إن بالمدينة المنورة إذن يعني ces questions réponses d'après le texte ce sont très bénéfiques, très utiles pour Talib al-Ilm. Talib al-Ilm, l'étudiant qui veut apprendre l'arabe, لازم عليه أن يتعلم كيف يجد الجواب من النص. Il faut qu'il apprend comment il trouve la réponse dans le texte. إذن, je vous conseille, أنصحكم, أن تراجعوا, ترجعون إلى التسجيل, vous revenez à l'enregistrement et vous écoutez les questions-réponses pour apprendre et s'entraîner comment on répond à des questions. Comment on tire les réponses du texte pour ces questions. طيب التمرين الثاني نقرأ هذه الجمل. On va lire ces phrases. Phrase A et phrase B et on dit laquelle phrase qui est fausse. يعني ما هي الجملة الصحيحة وما هي الجملة الخطأ. طيب قاسم أبو عبد الله la première قاسم أبو عبد الله طيب كريم كسلان ممنوع من السفر دونك هاشم طالب مجتهد دون صحيح نعم طيب جيد محمد الأمين الجملة الثانية إبراهيم أبو عبد الله محمد بن علي جيد أحسنتم التمرين الثالث تأمل ما يلي تأمل ما يلي observe ce qui suit إن زائد هو نقول إنه إن زائد هي نقول إنها إن زائد أنت نقول إنك إن وأنت نقول إنك إن وأنا نقول إنني أو نقول إني إن وزائدهم نقول إنهم إن وهن نقول إنهن إن وأنتم نقول إنكم إن وأنتن نقول إنكن إن ونحن نقول إننا أو نقول إنا جيد هنا عندنا إن هنا le particule إن إن حرف توكيد ونصب توكيد معناه il donne le sens de la certitude ونصب ما معنى النصب c'est-à-dire il met le mot qui vient après lui منصوب فإن لها أخوات elle a des analogues ils sont en nombre de 6 Le premier, c'est Inna. Le deuxième, c'est Anna. Le troisième, Ka'anna. Le quatrième, Lakinna. Le cinquième, La'alla. Et le sixième, Layta. Donc, ces six, qu'est-ce qu'ils font ? Yadkhuloun ala al-jumla al-ismiya. يدخلون على الجملة الاسمية. C'est-à-dire on a une phrase nominale. القلم مكسور. هذه جملة اسمية. القلم مكسور. القلم مبتدأ مرفوع بالضمة. مكسور خبر مرفوع بالضمة. On va ajouter إن sur cette phrase. On va dire إن Al-qalama. Le mot, on a dit le mot qui vient après inna, il sera mansoub. C'est pour cela on dit sur inna, dans le i'rab, on dit harfu tawkidin wa nasbin. Harfu tawkidin wa nasbin. Nasb, c'est-à-dire il met le mot qui vient après lui, mansoub. Donc le mot btada, il devient ismu inna mansoub. Bil fatha. Et al-khabar maksurun, il devient khabar inna marfou' bid-damma. Donc c'est ça le travail de inna wa akhawatiha. C'est ça leur travail. Ici, on a inna et on a al-dhamir. Huwa, hiya, hein? Huwa, hiya, anta, anti, أنا هم هن أنتم أنتن نحن. هذه الضمائر نسميها ضمائر المنفصلة. ضمائر المنفصلة des pronoms détachés. Il ne s'attache pas. Non, ضمير منفصل. Il est attaché. Il est détaché. Les dhamair, ils ne s'attachent pas. Elles se positionnent toujours au début de la phrase. C'est pour cela, quand ils viennent après un mot, on va les mettre à leur place des pronoms attachés. Hua, on le met à sa place hu. Hia, on le met à sa place ha. Anta, on le met à sa place ka. Et anti, on le met à sa place ki. Et ana, on le met à sa place, le ya. Hein? Le ya qui se trouve à la fin. Le ya. Hein? Et hum, on le met à sa place, hum. Et hunna, on le met à sa place, hunna. Et antum, on le met à sa place, kum. Et antunna, on le met à sa place, kunna. Et nahnu, on le met à sa place, na, ou bien on le met, na mushaddada. Donc, هذه هو هي أنت أنت أنا هم هن أنتم أنتن نحن هذه elle s'appelle ضمائر منفصلة ضمائر au pluriel في الجمع ضمائر منفصلة في المفرد نقول ضمير منفصل وهذه هو ها كا كي ليا هم هن كم كنا ونا هذه نسميها ضمائر متصلة ضمائر متصلة دي برونو اتاشي hein دي برونو اتاشي donc il faut bien prendre ces pronoms chaque pronom qu'est-ce qui lui correspond chaque pronom détaché qu'est-ce qui lui correspond au pronom attaché طيب التمرين الرابع أدخل إن على الجمل الآتية. Il faut ajouter إن sur les phrases suivantes. أبو هارون هو تاجر. أبو عبد الله أنا طالب. إني طالب نعم. أبو محمد هم من اليابان. إنهم من اليابان. أحمد الريفي أنتم أذكياء جيد إنكم أذكياء ابن الزبير هي متزوجة. نعم إنها متزوجة. قاسم أبو عبد الله نحن مسلمون. قاسم أبو عبد الله. طيب أنحن مسلمون. لا عندك الصوت ضعيف. إبراهيم نحن مسلمون. نعم إنا مسلمون. طيب طيب كريم أنتن مجتهدات. محمد لمين هن مسلمات. هن مسلمات لبخنا. جيد. أبو عبد الله إبراهيم أنت رجل غني. خديجة أنت ذكية. جيد. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.